Adieu, mon adino, ou mal coquet, y acheté belle lèche ribao, faut qu'il rembourse. Mon adino, ou mal coquet, y a yaka esthéticienne, faut qu'il rembourse. Gaspiller mon dos, si snap. Faut pas je courir, y'a si TikTok tellement, des fesses en barré pour pantop. Nous tous les rêvés, alors faut las fanpette. Ça n'est si con, mais quand il s'est bêté la douce, ça n'est goût miel, ça pas ni plime, ça pas ni poêle, en tout ça bien assaisonné. Et ça claire, ça belle, ça casse mon jambon Noël, prends ton bout de couper, mamselle, tellement ça bien assaisonné. Zone croustillant, bitelant bien croustillant. Tout bonnement, tu viens la croustillant, bitelant bien croustillant. Anti, oui, y'a mes dents sol, kawaii ni sala. Y'a qui vil nègre qui peut coller de y'a seulement, y'a mes dents sol, baki top sala. Chata adhéré, toujours le cal pour la finale. Yes, active ton mode ravette, n'fait quelqu'un t'en fait bavette. Yes, y'a mes badman qui t'a vendu plaquette ou paquette. Les cafés, c'est baguette, des yeux, y'a mes cafés paillettes. Kavine, t'es qu'on fouchette des bienveillants. Y'a sa mistinguette sous peu, ça fait cracher d'alerte. Ma couille, ma crête, t'es qu'est bien, mais sa vie, j'en savais. Sa clair, sa sep, sa net, c'est ton lèvre, t'as ton toilette. Maman, pour l'être, j'en savais que pour l'être, la folle de la bête. Si y'a mes dents sol, y'a kawaii des sales. Y'a qui will nègre qui peut coller derrière, y'a seulement. Y'a mes dents sol, pas qui top sale. Chata à l'heure, toujours y'a cal pour la finale. Adieu, mon adino, ou mal coquet, y acheté belle linge ribao, faut qu'il rembourse. Mon adino, ou mal coquet, y a yaka esthéticienne, faut qu'il rembourse. Ou la ka exhibe vient la siesta, non? La ka de story a one red constamment. Les nous fait bouer, ça s'est un dépété salement. Y j'te coucou niche, c'est celle bitan qu'on est en allemand. Mouna savant toujours sous surveillance pour les balkanis. Mouna ni belle mamelle, full of titi bon di balkanis. Quoi neuf docteur en cabaye, volé carotte complexe meni. Si telle mérite sauf fanny. Un aimé voye tout ni. Même les habillés ice contacté red la ka oufini. Y ka fait qu'à la disparaît ton corps avec un houdini. Ainsi la ville la concentré pour me faire more money. More money. Adieu, mon adino, ou mal coquet. Y acheté belle linge ribao, ok, remboursé. Mon adino, ou mal coquet. Maquillage, esthéticienne linge, remboursé.